Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 27 janvier 2025. Je vous propose de découvrir tout de suite ce que les astres vous réservent. Amis Bélier, eh bien Mars et Saturne vous usent, alors limitez votre temps passé devant les écrans avant de vous coucher. C'est toujours ça de gagner. Côté relations, dans vos relations professionnelles, attendez-vous à une communication aisée et n'hésitez pas à poser des questions et même à donner votre avis car cela favorisera les échanges constructifs. Chers amis, Taureau, votre esprit créatif contribue à vos projets. Alors devant les succès que vous remportez, votre morale s'épanouit de plus en plus. Alors tout simplement, prenez de l'élan. Côté relations, dès vendredi, Vénus et Neptune vous concoctent des moments privilégiés, petit Vénard, et profitez-en donc pour tenter de réaliser un vœu cher à votre cœur, c'est le moment pour le faire. Gémeaux à présent. Alors mercredi, la nouvelle lune est liée à Mercure et Jupiter. Suivez ces bonnes idées pour améliorer vos finances, oui, ou même lancer un projet innovant. Côté relation, eh bien en amitié, vous êtes présent, mais vous êtes peut-être plus fermé en amour. Alors n'hésitez pas à explorer vos émotions et à ouvrir votre cœur progressivement. Tout doux. Côté cancer à présent, eh bien, chaque avancée que vous réalisez renforce vos succès et intensifie votre élan. N'hésitez pas à célébrer chaque petite victoire, c'est toujours bien important car cela motive plus. Côté relations, eh bien, dès vendredi, Vénus et Neptune vous invitent à explorer vos rêves. Prenez donc le temps de réfléchir à vos désirs. C'est important de savoir ce que l'on veut pour savoir où on doit aller. Lion, eh bien, Mars vous coince. Le coquin, voilà, c'est ce qui se passe cette semaine. Et vous devez accepter eh bien, de vous faire seconder ou eh bien de déléguer certaines tâches quand c'est possible. Ce sera la meilleure option possible pour vous cette semaine. Côté relations, votre sensualité, waouh, s'épanouit en couple et célibataire. Eh bien, entourez-vous de personnes qui vous inspirent. L'amour vient souvent lorsque l'on s'y attend le moins. Voilà, il est peut-être juste caché derrière là, pas très loin. Donc, ouvrez l'œil. Balance maintenant, hormis Mars qui rend les choses un petit peu difficiles au travail cette semaine, on va bien se l'avouer, les autres planètes eh bien, soutiennent vos projets. Côté relations, faites confiance à votre instinct et n'hésitez pas à discuter de vos idées avec vos amis, cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et bien sûr enrichir vos échanges. Scorpion, selon Saturne et Mars cette semaine, vous unissez patience et détermination, c'est bien ça. Prenez le temps de célébrer ce progrès parce que c'est dans la constance que réside la clé du succès. Côté relations, Vénus et Neptune vous incitent ce week-end à redoubler d'attention et à rendre service. Eh bien, vous savez quoi? Vous serez récompensé en retour. Sagittaire, Mars et Saturne compliquent votre parcours. Établissez un plan clair avec des objectifs à court et à long terme, ça vous facilitera la tâche. Côté relations, Mercure et le Soleil encensent vos relations professionnelles, mais aussi amicales. Organisez des rencontres, car la communication est la clé, vous le savez, pour solidifier vos collaborations. Voilà, pensez-y. Capricorne, Saturne, Mars, même Uranus contribuent à votre succès cette semaine en favorisant la discipline, le dynamisme et même l'innovation dans vos projets. Laissez libre cours à vos idées. Côté relations, ce n'est pas très joyeux. Côté cœur, on va bien se l'avouer. Les fantômes du passé vous hantent et l'avenir vous semble incertain. Alors vous savez quoi? Patience, ça va s'arranger. Verseau à présent. Eh bien, mercredi, la nouvelle lune en Verseau vous inspire de brillantes idées pour optimiser vos finances et démarrer vos projets. Restez bien attentifs. Côté relations, vous êtes davantage dans la méfiance et le repli que dans l'ouverture. Apprenez à communiquer vos émotions pour tisser des liens sincères. Et nous terminerons par nos amis les petits poissons. Saturne et Mars vous donnent le goût du travail bien fait. Ne cédez pas à la pression et prenez le temps de réfléchir à vos stratégies avant d'agir. Enfin, pour terminer, côté relations, eh bien, veillez à maintenir des relations, mais avec des individus qui vous soutiennent, oui, qui vous soutiennent et qui vous inspirent. La positivité est contagieuse, on le sait bien. Alors voilà, entourez-vous de gens qui vous sont chers et des gens qui sont positifs. Voilà. Votre horoscope de la semaine est terminé. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou à vous laisser entre vous vos commentaires. Vous nous racontez comment ça se passe pour vous ce début d'année, comment se passait ce premier mois de janvier, comment les étoiles influencent eh bien, votre quotidien, à quoi vous prêtez attention, petits signes peut-être. Voilà, n'hésitez pas en tous les cas à nous faire vos retours. On vous embrasse bien fort et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel horoscope. Ciao !